Bonjour Maïlys et à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique dans Entendez-vous l'écho. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, votre après-midi continue sur France Culture avec le dernier volet de notre série consacrée à l'écrivain Joris Carl Huysmans dans une émission de Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurane Travaglichanal et Emmanuel Morse-Duncamp. Il a perdu son père jeune et a été envoyé en pension par son beau-père dans une enfance qui a un peu, de ce point de vue-là, ressemblé à celle de Baudelaire. Ses premiers romans lui font suivre la voie naturaliste dans le sillage de Zola et des écrivains qui participaient aux fameuses soirées de Médan. Puis il va rompre avec ce courant et offrir à ses lecteurs une manière déroutante et nouvelle. Ce sera À rebours, viendra ensuite La tentation de l'occulte, puis La conversion au christianisme. Nous en parlions lundi dernier, c'était avec Patrice Lockman. Mardi, nous parlions d'À rebours, justement, ce livre sur l'esthétique de soi et l'isolement qu'elle peut procurer. C'était avec Françoise Court-Pérez. Tandis que hier, mercredi, Dominique Millet-Gérard est revenu sur divers livres de Huysmans, En rade, En route, ainsi que La cathédrale. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, en seconde partie, après la chronique d'Aliette Armel, je recevrai Patrick Kechichian qui nous parlera de conversion et de catholicisme. En première partie, pour parler de la sortie de ses œuvres complètes et de sa postérité aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Pierre Glaude qui les a éditées, ses œuvres complètes, avec Jean-Marie Seyant chez Classique Garnier. Le premier tome pour les années 1867-1879 a paru il y a quelques mois. Pierre Glaude, qui est également professeur à l'université Paris-Sorbonne. Mais avant de le retrouver, et simplement pour le plaisir, je vous propose d'écouter un extrait du Coiffeur, tiré du livre Croquis parisien de Huysmans. L'on s'assied devant une psyché d'acajou qui contient sur sa plaque de marbre des lotions en fiole, des boîtes à poudre de riz en verre bleu, des brosses à tête au crin gras, des peignes acérés et chevelus, un pot de pommade ouvert et montrant la marque d'un index imprimé dans de la pâte jaune. Alors l'exorbitant supplice commence. Le corps enveloppé d'un peignoir, une serviette tassée en bourrelet entre la chair du cou et le col de la chemise, sont en poindre aux tempes la petite sueur de l'étouffement, l'on reçoit la poussée d'une main qui vous couche le crâne à droite. Et le froid des ciseaux vous fait frissonner le derme. Au bruyant cliquetis du fer que le tondeur agite, les cheveux s'éparpillent en pluie, tombent dans les yeux, se logent dans les cils, s'attachent aux ailes du nez, se collent au coin des lèvres qu'ils chatouillent et piquent, tandis qu'une nouvelle poussée de main vous couche subitement le crâne à gauche. Tête à droite, tête à gauche, fixe, et ce va-et-vient de guignol continue, aggravé par le galop des cisailles qui manœuvrent autour des oreilles, court sur les joues, entame la peau, chemine le long des tempes, barre l'œil qui louche, ébloui par ses lueurs claires. « Monsieur veut-il un journal ?»« Non. »« Un beau temps, n'est-ce pas, monsieur ?»« Oui. »« Il y a des années que nous n'avons eu un hiver aussi doux. »« Oui. » Puis un temps d'arrêt. Le funèbre jardinier s'est tu. Il vous tient l'occiput maintenant entre ses deux poings et le voilà qui, au mépris des éléments les moins contestés de l'hygiène, vous le balance en haut, en bas, très vite, penchant sa barbe sur votre front, alénant sur votre figure, examinant dans la glace de la psyché si les crins tondus sont bien de longueur égale. Le voilà qui émonde par-ci par-là encore et qui recommence à faire cache-cache avec votre tête, qu'il tente en appuyant dessus de vous rentrer dans l'estomac pour mieux juger de l'effet de la coupe. Pierre Glaude, bonjour. Merci d'être avec nous. Pas facile d'être le coiffeur de Huysmans, visiblement. Évidemment, on voit bien tout de suite une des caractéristiques de l'œuvre de Huysmans, c'est son humour pincé qui court tout au long de son œuvre. Et c'est très frappant dans le texte que vous avez choisi. Je trouve que c'est un très bon choix parce qu'il montre la complexité de Huysmans, qui se situe à la fois dans une tradition réaliste. Ce sont des scènes saisies sur le vif qui montrent des aspects de la vie contemporaine et en même temps qui se situent dans une veine qui est aussi celle du poème en prose. C'est-à-dire il est au point de convergence de la littérature panoramique, celle de l'observation sociale dans la postérité lointaine du tableau de Paris de Sébastien Mercier et aussi plus près de lui, de Baudelaire, avec le Spleen de Paris. Là, on vient d'entendre un poème en prose. Oui, c'est à la fois un poème en prose. Hein, on voit bien qu'il y a un art de ciseler les mots, un choix extrêmement soigneux du vocabulaire qui est très caractéristique de la prose huysmansienne. C'est une prose artiste, incontestablement. Et en même temps, comme je le disais, il y a ce souci de saisir sur le vif des réalités contemporaines. Comme le coiffeur, et dans la vie quotidienne. Mais alors, oui, pardonnez-moi, l'humour, on le ressent évidemment, c'est un texte très drôle, on ressent quand même une forme d'angoisse, une forme de stress qui a l'air réel aussi par rapport au quotidien, par rapport au monde extérieur, aussi banal soit-il, comme l'est le coiffeur. Alors vous touchez à un point essentiel, c'est que l'un des intérêts de Huysmans, c'est qu'il a un rapport problématique au monde et à tous les éléments du monde. C'est un écrivain célibataire et misogyne, dont on connaît les rapports difficiles avec les femmes. Hein, l'érotique huysmansienne est un peu perverse, elle est triste. Elle est d'une grande complexité, mais par-delà les relations humaines, les relations amoureuses, même les relations amicales, il y a au quotidien une sorte d'aigreur à l'égard de choses infimes qui l'agressent dans la vie quotidienne, qui font de lui une sorte d'atrabilaire et aussi de personnage qui est toujours au seuil de la maladie ou qui s'imagine toujours au seuil de la pathologie et qui crée autour de lui une sorte de cordon sanitaire pour se protéger du monde. D'où les thèmes de la rade ou encore de la thébaïde de Fontenay-aux-Roses dans Arbour. Qu'est-ce qui vous a conduit en tant que chercheur universitaire et aussi peut-être en tant que lecteur jusqu'à Huysmans? Par quel livre êtes-vous rentré dans son œuvre? Et je dirais même plus loin, que vous a-t-il apporté? Alors il faut remonter assez loin dans ma propre histoire pour trouver cette origine, puisque j'ai travaillé sur Huysmans quand j'étais étudiant, figurez-vous. Et dans une université parisienne, je faisais mes études de... À l'époque, c'était une maîtrise et non pas un master, comme aujourd'hui. Et j'étais fasciné par ce texte étonnant qui s'appelle « Avolo ». Et j'avais choisi de faire une étude autour de l'idée de crise. Qui est la nouvelle qui annonce à rebours. Voilà, c'est la nouvelle qui précède à rebours. Et c'est le moment où Huysmans pousse jusqu'à sa logique la plus extrême, le naturalisme, et le fait également basculer dans autre chose. Parce qu'il choisit un personnage qui s'appelle Follentin, qui est totalement non romanesque. Hein, un petit fonctionnaire, quoi de moins romanesque qu'un fonctionnaire, hein, un gratte-papier qui... C'est vous faire des ennemis. Un fonctionnaire de surcroît d'un ministère qui toute la journée reproduit des dépêches. Voyez, donc c'est pas vraiment une vie exaltante ni qui inspire un romancier. Et cet homme a une vie tellement étriquée que le principal sujet de son existence, c'est de trouver, comme il est célibataire et que ses repas sont préparés par ses bonnes, qui sont en général des chippies. C'est de trouver un restaurant convenable qui ne lui procure pas des aigreurs d'estomac. Vous voyez, donc, faire un, fût-ce une nouvelle sur un tel sujet, c'est quand même étonnant. La compagnie des auteurs sur France Culture, et nous parlons avec vous, Pierre Glaude, de Joris Karl Huysmans. Vous avez entamé un gigantesque travail, puisque vous publiez aux éditions Classique Garnier les œuvres complètes de Huysmans. Les œuvres complètes, ça veut dire non seulement les romans, qu'on connaît assez bien, mais aussi les diverses critiques, et tout cela augmenté par tout ce que la recherche a pu apporter récemment sur Huysmans. Il existait déjà une sorte d'œuvre complète sur Internet qui s'appelle www.huysmans.org. C'est un Anglais, je crois, qui s'occupe de ce site. Et vous avez l'ambition, évidemment, de dépasser cette récollection déjà assez importante des textes de Huysmans. Oui, c'est toujours une gageure de parler d'œuvres complètes parce qu'on est très vite démenti par les découvertes de la recherche, des manuscrits qui étaient dans des collections privées qui voient le jour, qui sont mis en vente et qui passent dans le public, des articles que l'on n'avait pas exhumés et que de patientes recherches en bibliothèque permettent de découvrir. On a beaucoup progressé depuis la dernière entreprise de ce type qui avait été conduite par l'exécuteur testamentaire de Huysmans, Lucien Descaves, commencé en 1928, terminé en 1934, 23 volumes. C'était la seule édition à ce jour, avant la nôtre, de l'œuvre complète de Huysmans chez l'éditeur Georges Cress. Et nous avons mis en place une équipe, je voudrais évidemment citer le nom de Jean-Marie Seyant, qui co-dirige cette entreprise avec moi, et il faudrait aussi désigner tous les chercheurs, parce que c'est une entreprise gigantesque qui nécessitait de recourir aux contributions de divers spécialistes, tant l'œuvre de Huysmans est protéiforme. Et alors c'est une entreprise qui prouve que, au fond, son œuvre n'a pas connu d'éclipse, et que encore aujourd'hui, elle est extrêmement vivante, à la fois dans l'université, peut-être aussi en librairie, dans le grand public. Oui, alors, il y a une sorte de paradoxe huysmansien. Il a été très bien servi par la critique. Il y a énormément, toujours et il y a une littérature critique très abondante, de qualité. L'exemple d'A Rebours est paroxystique. Les gloses d'A Rebours sont innombrables et souvent très bonnes. Mais, paradoxalement, si certains textes ont eu du succès chez les éditeurs et peuvent se trouver en livre de poche, l'œuvre complète qui permet de rendre justice à la création entière de Huysmans n'était plus disponible depuis la dernière entreprise qui date de presque un siècle. Mmh. Ce qui fait que tout de même, c'est un écrivain qui a toujours intéressé. C'est peut-être son rapport à l'époque de l'écriture des livres avec ce qui constituait une sorte d'air du temps. On a l'impression que Huysmans a été pleinement comme un capteur de l'air du temps, Pierre Glaude. Est-ce que c'est pour ça, selon vous, que son œuvre reste toujours aussi intéressante pas mal de décennies après ? Sûrement, bien sûr. En même temps, il est terriblement intempestif au sens premier du terme. C'est un écrivain misogyne, c'est assez mal porté aujourd'hui. C'est un écrivain xénophobe. Antisémite. Il n'aime pas les gens du Midi, il dit des choses abominables, en effet, sur les Juifs. C'est un personnage assez curieux. Il dénonce l'américanisme. On trouverait dans son œuvre toute une série de propos polémiques qui ferait aujourd'hui de lui quelqu'un d'assez urticant. Et vous vous êtes posé la question d'ailleurs, faut-il ou non publier les œuvres complètes d'un personnage comme cela ? Non, parce que paradoxalement, quand on est comme moi dans une position universitaire où on peut se rendre compte de l'intérêt d'un auteur par les propositions de travaux, hein, de mémoire de master ou de thèse, c'est un auteur qui plaît. Beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles souhaitent travailler sur Huysmans. Mmh. Et donc, c'est bien le signe qu'il parle encore à notre temps, s'il parle à la jeunesse. Qu'est-ce qui parle à notre temps, d'après vous, chez Huysmans et en particulier à la jeunesse ? Alors, je pense que, par-delà ce qu'il dit, ce qu'il affirme, il y a chez lui un ensemble d'angoisses, de rêves, de désirs, qui affleure dans son œuvre et qui parle encore à la jeunesse. Hein, parce que c'est un écrivain qui, on pourrait dire qu'il est au cœur des paradoxes de la modernité. On pourrait dire de lui à la fois qu'il est moderne, il est dans la postérité de Baudelaire, il épouse les avant-gardes littéraires, le naturalisme, et en même temps il vomit son siècle. Hein, il est anti-moderne. Il n'a pas son pareil, parce que la détestation de son temps le rend lucide, pour pointer du doigt le négatif de la modernité. Et ce négatif, c'est encore le nôtre, si vous voulez. Et en ce sens, je crois qu'il parle encore aux générations actuelles. Et c'est ce que vous disent les étudiants qui viennent vous voir pour vous proposer des sujets de mémoire ou des sujets de thèse, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui est davantage inconscient ? Non, son imaginaire fascine. Alors, bon, dans les années 70, je vous parlais tout à l'heure de l'époque où j'ai fait mes études, il y avait une mode de Huysmans qui s'était traduite d'ailleurs par la publication par Hubert Juin en 10-18 de cette belle collection, de cette belle série Fin de siècle, où il avait publié, je crois, 5 ouvrages de Huysmans. Et on disait que Huysmans, auteur fin de siècle, parlait à notre fin de siècle, hein, la fin des années 1900. Mais nous avons basculé vers un nouveau siècle et Huysmans continue d'intéresser notre temps. Mmh. Parce que je pense son imaginaire, son intérêt pour les arts, son humour, pince sans rire, son pessimisme. Hein, j'imagine que vous avez en tête Houellebecq également, mmh. hein, qui se retrouve dans cet auteur désespéré, pessimiste, qui regarde d'un œil sarcastique et désenchanté son temps. Individualiste aussi. Très individualiste. Hein. Il y a, alors en effet, je crois que c'est là un des aspects fondamentaux de Huysmans. Il incarne tous les désastres et en même temps tous les rêves de l'individualisme. Il y a aussi cette ambivalence que peut-être on retrouve aujourd'hui, qui est l'aspiration à la spiritualité et, en même temps, pour reprendre une expression à la mode, une aspiration très matérialiste. Et on le voit en particulier dans À rebours. Oui, et même on le voit encore dans les œuvres de la conversion. Un des aspects de l'édition que nous avons voulu procurer, c'est de déjouer l'illusion téléologique qui voudrait que Huysmans, dès le début, soit programmé pour devenir le catholique qu'il a été. En réalité, il nous semble que, jusque et y compris quand il est catholique, il est traversé par des doutes, des inquiétudes qui sont éminemment enracinées dans un corps dolent qui ne se laisse pas oublier. Et il y a toujours chez lui cette tension entre les échappées spirituelles et ce corps qui le ramène à la matérialité des désirs, des angoisses, à tout ce qui est somatique. C'est un écrivain chez qui le symptôme somatique est extrêmement, et le fantasme sont extrêmement importants. Alors Pierre Gloch, je vous propose de retourner un petit moment au texte, si vous le voulez bien, avec cet extrait d'À rebours et une nouvelle excentricité, car il s'agit bien de cela, de son héros des Essaintes. Il s'acquit la réputation d'un excentrique qu'il paracheva en se vêtant de costumes de velours blanc, de gilets d'or froid, en plantant en guise de cravate un bouquet de Parme dans l'échancrure décolletée d'une chemise, en donnant aux hommes de lettres des dîners retentissants, un, entre autres, renouvelé du XVIIIe siècle, où, pour célébrer la plus futile des mésaventures, il avait organisé un repas de deuil. Dans la salle à manger tendue de noir, ouverte sur le jardin de sa maison subitement transformée, montrant ses allées poudrées de charbon, son petit bassin maintenant bordé d'une margelle de basalte et rempli d'encre, et ses massifs tout disposés de cyprès et de pins, le dîner avait été apporté sur une nappe noire, garnie de corbeilles de violettes et de scabieuses, éclairée par des candélabres où brûlaient des flammes vertes et par des chandeliers où flambaient des cierges. Tandis qu'un orchestre dissimulé jouait des marches funèbres, les convives avaient été servis par des négresses nues avec des mules et des bas en toile d'argent semés de larmes. On avait mangé dans des assiettes bordées de noir, des soupes à la tortue, des pains de seigle russe, des olives mûres de Turquie, du caviar, des poutargues de mulet, des boudins fumés de Francfort, des gibiers aux sauces couleur de jus de réglisse et de cirage, des coulis de truffes, des crèmes ambrées au chocolat, des poudings, des brugnons, des résinés, des mûres et des guignes. Bu dans des verres sombres, les vins de la Limagne et du Roussillon, des Ténédos, des Val des Peñas et des Porto. Savouré, après le café et le brou de noix, des kvass, des porteurs et des stouts. Le dîner de faire part d'une virilité momentanément morte était-il écrit sur les lettres d'invitation semblables à celles des enterrements? Mais ces extravagances dont il se glorifiait jadis s'étaient d'elles-mêmes consumées. Aujourd'hui, le mépris lui était venu de ses ostentations puériles et surannées, de ses vêtements anormaux, de ses embellis de logements bizarres. Il songeait simplement à se composer, pour son plaisir personnel et non plus pour l'étonnement des autres, un intérieur confortable et paré néanmoins d'une façon rare, à se façonner une installation curieuse et calme, appropriée aux besoins de sa future solitude. La compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait d'À rebours qui commence par le récit des extravagances de Des Esseintes et qui s'achève sur son envie de se retirer. Des Esseintes qui donne donc un dîner funèbre comme l'avait fait en son temps Grimaud de la Reynière. Qu'est-ce que vous retenez de cet extrait, Pierre Glaude ? On voit bien en quoi Des Esseintes, et on pourrait dire la même chose de la plupart des personnages de Huysmans, qui sont toujours au fond une variation sur la même figure, en quoi nous avons un René fin de siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche la plénitude de l'être, qui cherche une sorte d'infini, d'absolu, de satisfaction intégrale, qui la cherche dans, ici, les à-rebours, hein, l'inversion, l'espèce de fête funèbre, et qui, comme le René de Chateaubriand, ne le trouve pas. Mm-hmm. Et avec cette ambiguïté que, exactement, il va se passer pour à-rebours, ce qui s'est passé pour René, pour Chateaubriand, René était un malade. C'était la maladie de l'âme moderne qu'il voulait montrer. Et il y a un côté névropathique chez Des Esseintes qui fait de lui aussi une figure, à certains égards, grotesque. Mm-hmm. Mais dans le cas de René, comme dans celui de Des Esseintes, ces deux figures vont devenir les alter-ego, les figures fraternelles, dans lesquelles vont se reconnaître deux générations. Et il y a là toute cette ambiguïté de Huysmans. Il est pris entre dessiner un absolu et montrer en même temps, excusez-moi, moi aussi, je suis pris là-dedans, les limites de cet absolu, l'abîme qui se creuse, c'est en ce sens qu'il est dans la postérité du romantisme et en même temps qu'il dépasse le romantisme dans une sorte de pessimisme qui est plus profond. Et cette insatisfaction un peu chronique, on a l'impression qu'il l'applique à ces courants littéraires qu'il va tous tester les uns après les autres, d'abord naturaliste, puis anti-naturaliste, puis pessimiste, sataniste, enfin converti. Peut-être d'ailleurs a-t-il trouvé finalement une forme de paix dans la conversion, on en parlera tout à l'heure avec Patrick Kechichian. C'est ça aussi sans doute qui fait sa postérité, c'est la manière dont il a réussi à embrasser et peut-être à transformer tout de même à chaque fois chacun de ses courants littéraires, Pierre Glaude. Oui, vous avez raison, il a épousé son temps à travers... cette sorte de parcours permanent qui l'a conduit à se dépasser sans cesse et à se réinventer. La cathédrale, c'est une sorte de nouveau manifeste esthétique qui répond à Rebours. Mais il reste très curieusement toujours le même à travers ces différentes mutations. Et cela apparaît très bien dans le premier volume que nous venons de faire paraître, puisque il est sous un héritage qui est multiple. On dit souvent il est naturaliste. Et en effet, il va être le disciple de Zola, il va publier dans les soirées de Médan, mais il se situe aussi d'emblée avec Le drageoir aux épices de 1874, qui est sa première grande œuvre, dans la postérité de Baudelaire. Et son écriture a une dette considérable à l'écart des Goncourt et de leur écriture artiste. Donc il est au cœur... Il est d'emblée épris de réalité, sans concession, artiste, et je dirais aussi, il s'inscrit dans un mal de vivre, dont Baudelaire a été aussi l'expression, qui est la tonalité constante de son œuvre. Donc il y a une unité, et finalement, au fur et à mesure de sa vie, il va explorer les diverses facettes de sa personnalité en mettant l'accent davantage sur l'une ou l'autre de ces facettes, c'est ça ? Je crois qu'il cherche à résoudre une difficulté intérieure, personnelle. Hein, c'est un sujet en crise qui est traversé par toutes les maladies de la modernité et qui cherche une issue à travers différentes expérimentations. C'est peut-être le plus expérimentaux des écrivains de la fin du XIXe siècle. Et vous avez le sentiment qu'il a trouvé cette issue, finalement ? Je laisserai Patrick Kechichian répondre à cette question. Je pense que il a toujours été traversé de tensions et de contradictions, même si sans doute il a cru trouver dans le christianisme une rade dans laquelle... Il a pu sans doute parvenir à une forme de paix. Alors vous avez cette formule dans la préface des œuvres complètes. Vous dites que son œuvre réside moins dans ce qu'elle dit que dans ce qu'elle tait, dans ce que des milliers de pages ont été écrites pour ne pas dire. C'est une formule qui m'a évidemment beaucoup intrigué. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que, selon vous, Huysmans tait ou ne sait pas dire dans son œuvre et qui serait finalement le plus important ? Alors, je ne vais pas révéler de secret parce que ça n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais je dirais que Huysmans ne saurait être ramené à un discours idéologique, à un sens obvie. Mais qu'il est lui-même sans cesse, et c'est ce qui le rend intéressant, débordé par ses pulsions, par ses contradictions, par ses tensions intérieures. Sa conversion serait extrêmement intéressante. Ça n'est pas Claudel, ça n'est pas le basculement dans autre chose, mais c'est au contraire la tension permanente entre l'homme nouveau et l'homme ancien, qui fait qu'il reste fidèle à une forme de naturalisme spiritualiste, ce qui dit en soi, ce qui est oxymorique, si vous voulez, et qui dit une tension intérieure. Pour terminer peut-être, puisque c'est une première partie d'émission sur la postérité et que vous dirigez un certain nombre de travaux sur Huysmans, quelles sont les modernités de la recherche concernant Huysmans ? Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui l'université et les doctorants ? Alors, il y a eu plusieurs sujets, si vous voulez. Il y a eu une grande mode pour l'imaginaire huysmansien. hein, l'imaginaire décadent. Le décadentisme de Huysmans a fasciné des générations. Et il continue à fasciner. Le thème de la décadence n'est pas mort. Depuis quelques années, on s'est beaucoup intéressé à son œuvre de critique d'art. On a découvert, on a pris au sérieux sa critique d'art. Et il y a aussi, évidemment, ceux qui sont fascinés par sa prose. Également par son invention générique, qui peut avoir ses limites, mais qui le conduit à rénover la forme du roman et à inventer une forme de roman essai ou de roman personnel qui est unique à certains égards. Merci beaucoup Pierre Glaude de nous avoir parlé du passage à la postérité de l'œuvre de Huysmans. Je rappelle que vous avez donc dirigé le premier tome de ses œuvres complètes, publié en 2017 aux éditions Classiques Garnier. Vous avez également publié cette même année l'ouvrage Léon Blois, La littérature et la Bible, paru aux éditions Les Belles Lettres. Tout de suite, la chronique. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et comme nous sommes jeudi, nous demandons à une grande lectrice ou un grand lecteur de nous parler de l'auteur dont il est question toute la semaine dans l'émission et de nous présenter également une actualité culturelle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et la chance de vous recevoir, Aliette Armel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et critique littéraire. Qu'est-ce qui vous rapproche de Huysmans ? Eh bien, je vais m'inscrire dans la continuité de ce que vient dire Pierre Glaude et peut-être en ouverture de ce que va dire Patrick Chiche. Comme c'est bien fait. Et en fait, les grands écrivains sont pour moi ceux qui vont jusqu'au bout des gouffres, jusqu'au fond des gouffres qui concernent tout le monde. Et tout le monde peut être confronté à ces gouffres. Et donc, on est entraîné avec Huysmans dans ces gouffres. Et comme les grands écrivains qui nous entraînent dans ces gouffres, ils gardent une grande lucidité. Au fond de gouffre dans lequel, quand on y bascule, très souvent, on ne voit plus rien, il s'observe et il a une capacité, comme tous les grands écrivains, encore plus forte, à les mettre en mots et en phrases jusqu'à faire de cette plongée une œuvre littéraire qui continue à agir sur ses lecteurs. Donc vous considérez Huysmans comme un guide de vie ? Pas du tout, mais quand au début... Alors j'ai choisi de prendre En route et pas à rebours, qu'évidemment... Comme tout le monde, j'avais lu au moment des études et de l'adolescence. Et j'ai redécouvert, si j'ai pris ce livre, c'est qu'on plonge dans les enfers de là où l'a conduit la déréliction totale, un enfer personnel, malgré ou par l'esthétisme, parce qu'on peut se poser des questions, l'enfer de certaines formes de débauche, et même au sens propre, l'enfer du satanisme. On est vraiment là. Et puis, au début, quelque part, dans ce livre qui... part magnifiquement de la description de, comme toujours, de Saint-Sulpice, de Saint-Séverin, des églises, de ce Paris du Moyen-Âge. On est noir. Le christianisme est noir. Il n'y a vraiment, on ne voit pas ce qui va y trouver. Un christianisme souffrant, avec des religieuses qui... il décrit la joie suppliciée des âmes des religieuses contemplatives qui portent tous les malheurs du monde. On est vraiment au fond d'un christianisme décadent que propose une église peut-être encore plus décadente, centrée sur la croix, qui est même au centre du monastère où il va se réfugier, de la trappe, et sur la souffrance. Et on découvre donc un parcours personnel qui a tous les aspects d'un parcours spirituel. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que lui proposent les moines de la trappe, où l'a envoyé son guide, le premier guide qu'il trouve à Paris, il l'envoie à la trappe. Et ce qu'on y découvre, c'est un parcours ascétique, des souffrances et des mortifications, avec la description terrible du lever à l'aube, et puis de la plongée dans les gouffres aussi, à nouveau, de la confession. Et donc, toutes ces souffrances sont décrites avec des manifestations névrotiques intenses et atroces qui sont là, cette fois-ci, attribuées à Satan, bien évidemment. Et puis, il y a des lueurs, la nature. Avec la loutre. Il y a une communauté qui apparaît, celle qu'effectivement le grand solitaire voit apparaître avec ses moines. Il y a aussi d'autres formes de lutte qui conduisent à des lueurs qui concernent aussi notre époque. On en parlera aussi avec Patrick Kechichian, sans doute, de ce livre en seconde partie. Votre actualité, Aliette Armel, c'est le livre, malheureusement posthume, d'Anne Dufour-Mantel. Souviens-toi de ton avenir, il paraît chez Albin Michel. Alors, ce livre, il risque de ne pas être lu, justement parce que beaucoup de gens ont parlé du décès d'Anne Dufour-Mantel comme d'une effectivement, catastrophe très, très grande et du fait qu'elle l'avait quelque part annoncé déjà dans son œuvre sa mort par sacrifice, par un risque assumé pour sauver des enfants. L'éloge du risque. Et donc il ne faudrait pas surtout se priver de la lecture de ce roman historique, baroque et flamboyant. Il a quelques imperfections, elle l'avait juste envoyé à son éditeur terminé, mais il aurait sans doute été encore mieux si elle avait pu le reprendre. Mais il y a une partie historique qui est une somptueuse description de la civilisation mongole à l'époque de son déclin et de ses revers dans les marges chinoises. Et elle met en scène des personnages d'une grande richesse et très originaux. Le roi Arkan qui met en place une expédition folle le conduisant à travers les mers jusqu'au Pérou, un géomètre italien, des grands initiés, des grands chamans qui accompagnent toute cette découverte, et avec une résonance à travers le temps, et c'est sa grande thèse, le temps permet de communiquer au XXIe siècle avec ces chamans et avec ce roi mongol. Il faut donc lire « Souviens-toi de ton avenir » publié chez Albin Michel. Merci beaucoup, Aliette Armel, à très bientôt. Seconde partie de la compagnie des auteurs consacrée depuis lundi à Joris Karl-Huysmans. Nous sommes à présent rejoints comme prévu par Patrick Kechichian, longtemps journaliste au Monde des Livres, collaborateur aujourd'hui de divers journaux, La Croix notamment. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages qui ont pour beaucoup le catholicisme pour centre. C'est précisément de la question de la foi et de la conversion chez Huysmans que nous allons parler avec lui après cet extrait de Là-haut, lu par Michel Bouquet. Il n'avait pas le vertige, mais une peur vague qui le faisait marcher sur la lisière du sentier bordé par la montagne, et il était gêné par les mules qui faisaient tout le contraire, qui trottaient tranquillement le long du gouffre. « Je ne voudrais pas être à la place de l'abbé, se dit-il, car la tête me tournerait. » Mais le prêtre paraissait très peu effrayé par le vide qu'il côtoyait. Il se tamponnait les joues en lisant son bréviaire, ne semblait même pas se douter que si le mulet eût buté, il était précipité la tête la première dans les abîmes. De temps en temps, des pierres roulaient sous le sabot de la bête et dévalaient en bas. Et longtemps après, on entendait le bruit du choc. Durtal en fit l'observation à Madame Bavoil, mais elle ne fut pas inquiète. « Il n'y a aucun danger avec ces animaux-là, dit-elle. Ils ont le pied sûr. Seulement, il faut les laisser aller librement et ne pas vouloir les diriger. » Et elle aussi, tout en causant, frôlait le précipice. Et Durtal se sentait froid dans le dos à la voir se pencher au-dessus pour en explorer le fond. Enfin, après des heures, il aperçut tout à coup, au coude d'un chemin, une église perchée sur un mont. « Ouf, fit-il, nous y voici. » « Du courage. Dans une demi-heure, nous nous reposerons, » dit Madame Bavoil. « C'est dénué de beauté, » pensa Durtal, contemplant cet amas de montagnes pelées, les unes grises, sèches, comme des blocs de pierre ponce, les autres couvertes d'herbes rases, jaunes, comme la toile dépérie des billards usés. Et l'église ne lui sembla déceler aucun art, elle était quelconque. Est-ce que ça va manquer de joie ? Bonjour Patrick Kechichian. Bonjour. Que vous inspire tout d'abord cet extrait de Là-haut, titre hautement spirituel. Oui, le titre est très spirituel. Cette page est plutôt dans un, avec une sorte de distance à l'égard du parcours spirituel. J'ai l'impression que là, il est dans une sorte d'observation un petit peu critique et c'est ironique. L'humour peut-être aussi. Oui, mais comme le disait Pierre Glaude, ça n'a jamais manqué, et même dans ses œuvres les plus catholiques, si l'on peut dire, l'humour n'a jamais manqué. Donc c'est une des données du problème, disons. Alors vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages qui ont la foi pour cœur. Vous avez par exemple publié il y a quelques mois aux éditions Ad Solem un récit intitulé « La défaveur » où vous racontez l'histoire intérieure d'un enfant puis d'un jeune homme qui se convertit justement au catholicisme. Vous êtes par ailleurs l'auteur d'un petit éloge du catholicisme dans la collection Folio Gallimard parue en 2009, mais plutôt sur le premier ouvrage cité, la question de la conversion. Avez-vous eu en tête au moment de l'écrire cet auteur, Huysmans, et le personnage de Durtal qui se convertit au fur et à mesure des différents livres de la série Durtal? Pour être tout à fait honnête, je dois avouer qu'un auteur compte beaucoup plus pour moi que Huysmans, c'est Léon Blois. Mm-hmm. Et si on a un moment, nous pourrons parler mais parlons-en peut-être directement à ce moment-là. Des rapports de Léon Blois et de parce que ces deux visions et deux figures, alors de l'art, de la littérature, mais aussi, puisque nous en parlons, de la conversion et de la religion, de la conception de la religion, il faut aussi se replacer dans un contexte d'époque. Toute cette période de la fin du 19e siècle et jusqu'après la guerre de 14-18, il y a ce fameux livre qui est tout à fait passionnant de Frédéric Gugelot sur la conversion des intellectuels au catholicisme entre 1885 et 1935. Parce que c'est une mode. C'est pas, le problème n'est pas que je pense. Je pense qu'il serait infiniment réducteur, et là je parle peut-être en tant que catholique et donc ça limite mon propos, mais je le revendique. Je pense qu'il serait tout à fait réducteur de réduire cela, de ramener cela à une mode. Simplement, en tous les cas, c'était quand même une époque où il y avait davantage de conversion chez les écrivains qu'après. Tout à fait, et le contexte expliquait cela aussi, enfin en tout cas donnait des éléments pour expliquer ce qui était en train de se passer. Et après, quand vous prenez chacun des auteurs, vous avez un cas singulier. Et donc, ce qui est très intéressant, puisque là on parle de Huysmans, c'est le cas singulier de Huysmans par rapport. Et moi, c'est vrai que je l'ai mis en relation parce que c'est un auteur qui m'est très cher et sur lequel j'ai pas mal travaillé cette année, l'année dernière, c'est-à-dire Léon Blois. Mm-hmm. Donc Léon Blois a été l'ami de Huysmans. Là, il considérait même que, il a même considéré très explicitement que Huysmans lui devait sa conversion. C'est-à-dire que ce qui devait et que Huysmans avait eu cette indélicatesse de ne pas honorer sa dette à son égard parce que il l'avait amené d'une certaine façon à cette conversion. Bon, après, on peut faire des réserves, évidemment, sur cette vision extrêmement personnelle de Léon Blois, mais elle. Comme toujours chez Léon Blois, même dans tous les excès, et Dieu sait que à l'égard de dans tout le courant des années qui vont suivre entre 1891 et 1913, donc plusieurs années après la mort de Huysmans, Léon Blois va revenir sans arrêt sur Huysmans, va lire ses livres, va les critiquer. D'ailleurs, ce sont d'immenses, on parlait des grands exercices de critique littéraire pour Huysmans, mais Léon Blois est aussi un très très grand critique. C'est pas seulement un vitupérateur, c'est pas seulement quelqu'un qui se plaît à se moquer des modèles qu'il prend, mais c'est aussi un très grand critique littéraire. Et sa lecture d'À rebours et des livres qui ont suivi, de La cathédrale notamment, sont des chefs-d'œuvre de critique littéraire. Mais alors Patrick Kechichian, qu'est-ce qui, dans l'esprit du temps, conduit un certain nombre d'écrivains à penser que la conversion est pour eux, ça continuera un peu, Mauriac aura à un moment donné même Cocteau furtivement, cette envie, ce désir, ce besoin, qu'est-ce qui est en rapport avec la fin du siècle et le début du 20e? C'est l'art. si vous voulez, ce qui est très important chez Huysmans, c'est pour ça que son cas et son œuvre est très importante, c'est que lui, d'une manière beaucoup plus explicite et moins conflictuelle que chez Blois, insiste et souligne le rôle de l'art. Et c'est par l'art qu'il est devenu, dit-il presque explicitement, devenu catholique. Ce qui est un peu étrange d'une certaine manière. Pourquoi étrange ? Non, non. Et c'est une. Les protestants vous diraient que c'est pas la forme des églises qui fait la foi. Comme vous en êtes aperçu, nous sommes dans un univers purement catholique. Donc là, on peut y aller sans. Et je ne vais pas vous sortir ce que Blois sortait du protestantisme, ce serait un peu grossier. Donc nous sommes dans un univers catholique et la beauté, si vous voulez, l'insistance, par exemple. L'extrême insistance de Huysmans sur la liturgie, son éducation est extrêmement poussée à la liturgie, puis à l'architecture des églises dans la cathédrale, puis à la notion monastique, enfin la réalité monastique dans l'oblat, sont des données de sa propre individualité qui, comme le disait très bien Pierre Glaude, n'est pas en contradiction avec la posture et la figure des Essaintes. Si vous voulez, Durtal n'est pas la reproduction évidemment de des Essaintes, mais en tout cas, il y a déjà dans des Essaintes, sous une forme cachée et avec un manque, c'est celui de Dieu, il y a déjà cette aspiration mystique à la religion. Est-ce que c'est le décor de l'Église qui amène à la foi ? C'est toute la... vous voyez, en 1892, il écrit à l'abbé Munier, qui est donc celui qui va le faire communier pour la première fois à la trappe d'Igny, dans la Marne. Je suis hanté par le catholicisme, grisé par son atmosphère d'encens et de cire. Je rôde autour de lui, touché jusqu'aux larmes par ses prières, pressuré jusqu'aux moelles par ses psalmodies et ses chants. Donc là, on est devant une citation qui pourrait, dans un examen trop rapide, dire « bon voilà, c'est un esthète, il se laisse un peu enivrer par l'encens, qui se calme et ça ira mieux ». Il n'a pas du tout l'intention de se calmer et il va aller très loin dans cette dimension à la fois symbolique, à la fois... Mais essentiellement artistique de la religion. Alors justement, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le parcours de conversion je ne sais pas s'il faut dire d'ailleurs de Durtal, son personnage, ou s'il faut dire de Huysmans, puisque les deux semblent quand même se rapprocher à peu près. Oui, oui. Ben, le parcours, si vous voulez, il à rebours est la première date, mais après, à partir de 1887 et la publication d'Enrade, on arrive au cycle de Durtal et on arrive là plus explicitement dans la religion, puisque ça précède de quelques années la conversion de Huysmans qui a lieu en 1892, en juin 92 à la trappe d'Igny par l'abbé Munier. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, dans le cycle de Durtal, la présence du naturalisme, pour le dire rapidement, la présence de tout ce qui précédait et qui était déjà présent en majesté à rebours, est encore présent, mais est travaillé, si vous voulez, travaillé. Par exemple, il a En route, par exemple, est considéré comme le livre blanc, alors que là-bas était considéré comme le livre noir. Mmh. C'est-à-dire, on passe d'un certain goût pour le satanisme, des amitiés un petit peu douteuses ou suspectes de Huysmans pour des espèces de satanistes un peu curieux de l'époque, mais que ça fleurissait à l'époque, à une sorte, non pas de purification, parce qu'encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a rien qui est rejeté, tout est intégré. Mmh. Donc, mais est intégré à quelque chose qui prend de plus en plus d'existence, de poids et de richesse, c'est-à-dire le catholicisme, le dogme, la liturgie catholique. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait tout l'intérêt de la lecture chronologique de Huysmans, c'est qu'en fait, toutes ses œuvres sont comme un parcours de sa propre réflexion, oui, de sa propre vie, de beaucoup ses changements intérieurs. Beaucoup plus tard, on lui avait dit, mais pourquoi vous ne reniez pas les ouvrages naturalistes? Pourquoi vous ne repoussez pas les ouvrages naturalistes? Et comme vous avez une œuvre catholique, pourquoi ce n'est pas celle-là que vous revendiquez? Il a répondu que c'était pour lui hors de question, qu'il n'y avait qu'une seule, qu'il y avait une continuité et non une rupture dans son œuvre. Ah, je les vois déjà me couvrant de baisers et s'arrachant mes mains et demandant tout bas: est-ce que la mort s'en vient? Est-ce que la mort s'en va? Est-ce qu'il est encore chaud? Est-ce qu'il est déjà froid? Ils ouvrent mes armoires, ils tâtent mes faïences, ils fouillent mes tiroirs, se régalant d'avance de mes lettres d'amour, enrubannées par deux, qu'ils liront près du feu, en riant aux éclats. La compagnie des auteurs. Il nous reste quelques minutes, Patrick Kechichian. Je n'oublie pas que nous lisons votre signature très régulièrement dans divers journaux de la presse française, car vous êtes critique littéraire. Et Huysmans, c'est bien l'été aussi. J'imagine que du coup, vous avez envie de lire, et peut-être en particulier dans les œuvres complètes que fait paraître Pierre Glaude, vous avez envie de lire ces critiques littéraires. Quelles critiques étaient-ils? Oui, ça, alors j'avoue là mon ignorance un peu de cette partie de l'œuvre de Huysmans. J'ai beaucoup lu, j'ai commencé à lire Huysmans par ses écrits sur Paris. Enfin, par toute la littérature sur Paris m'a toujours intéressé. Et il y a une très grande, et qui n'est pas évidemment, la dimension religieuse n'est pas absente, puisqu'il voyage à l'intérieur des églises, enfin, le long des églises parisiennes, et ça c'est très important. Et il y a une forme là pour lui d'approche sensible. C'est vrai que la critique littéraire, ça l'a dit, chez tous les auteurs comme Barbey d'Aurevilly ou comme chez Léon Blois, est extrêmement importante. C'est une occasion, peut-être, je ne vais pas faire de redire l'importance que peut avoir la critique littéraire dans l'œuvre d'un écrivain, bien sûr. Et alors, notamment sur Zola. Alors, oui. Alors, Zola, il a eu évidemment une. Blois a poussé Huysmans a quitté, je ne sais plus, les huiles, le frelaté, ou je ne sais plus Blois traite, vous savez, il avait le sommet de sa détestation, c'était évidemment Zola, et donc il ne pouvait pas comprendre que Huysmans puisse avoir quelques relations avec Zola. Mais c'est vrai que petit à petit, Huysmans s'est un peu séparé de Zola. Zola en a été, je crois, un tout petit peu contrit, mais bon, ça c'est pas très important. Mais c'est vrai qu'au début la carrière de critique littéraire de Huysmans, il adore Le ventre de Paris, et il adore en particulier les descriptions du peuple. Il explique qu'on entend un rire rabelaisien chez Zola. Il aime en particulier Le ventre de Paris, donc roman sur les Halles. Oui. Donc il aime s'immerger dans la société. Et donc on a l'impression que le parcours justement de Huysmans, c'est un plaisir à regarder ce qu'il y a autour de lui. Ça commence comme ça. Et après, au fur et à mesure, on a un plaisir à regarder les petits objets de sa chambre. Et donc, une espèce d'enfermement. Qu'en pensez-vous, Patrick? Mais je suis très sensible à cela. C'est-à-dire, en termes de critique littéraire, la manière de lire, par exemple, d'un Léon Blois, qui, Dieu sait qu'il savait lire, et d'un Huysmans, sont complètement à l'opposé. Léon Blois cherche dans un livre quel est le parcours intérieur, quelle est l'apologétique qui peut être présente dans une œuvre. Chez Huysmans, même, j'imagine, dans l'Huysmans catholique, il n'y a pas cette dimension. Il y a un goût pour l'art et la littérature. Je parlais tout à l'heure d'un goût pour l'art, mais évidemment, ce goût pour l'art inclut son goût pour la littérature et le langage. Et là, il y a une adhésion, une, une une ça ne, je veux dire, il n'a pas besoin de considérer qu'une œuvre était à l'inverse de Blois, il n'a pas besoin de considérer qu'une œuvre est édifiante pour pouvoir l'aimer et en dire du bien. Là, il se rapproche sans doute aussi de quelqu'un comme Barbey d'Aurevilly qui avait aussi cette capacité de lecture peut-être un peu plus polémique que celle de Huysmans, mais qui était quand même très présente. Alors que pour Blois, tout est centré sur le religieux. Merci beaucoup Patrick Kechichian. Je rappelle que vous avez donc publié en 2009 chez Gallimard un petit éloge du catholicisme dans lequel vous évoquez Huysmans et son rapport à la religion, mais évidemment pas seulement. Vous êtes également l'auteur de La Défaveur, publié en 2017 aux éditions Ad Solem. C'est la fin de notre semaine consacrée à Joris Carl Huysmans. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Maryse Condé. Mais tout de suite, c'est Jacques Bonnafé et la poésie. Bonjour, bonjour la compagnie. Certains poèmes de Vadim Kosovoï que nous suivons cette semaine ont tout ce qu'il faut pour déplaire au régime. À tous les régimes d'ailleurs. Prenons ces pages étranges d'aphorismes dans « Hors de la colline », « L'échafaud » et « Tous les dimanches réservés aux parties de ping-pong ». Tous à courir ainsi, non mais qu'est-ce qui les prend, se désolait un sage. Un autre, à merveille sensé, opinait du bonnet. Le troisième, pourtant plus niais que sage, se tenait en dehors, glissé dans le tumulte, l'entraînant aux falaises. Il se prenait pour une barque tout en restant rameur. Péniblement on respire, la place manque de largesse. Toi qui acceptes la métempsycose, opte pour la bactérie. Si l'avion frémit devant Zeus et que le sous-marin implore Poséidon, tout n'est donc pas perdu pour les équipages déjà sourds et bientôt aveugles. Venu du froid, la toute fraîche nouvelle, l'éléphant étouffé de myosotis. Peut-être ça c'est en rapport avec la trouvaille d'un mammouth dans les glaces. Les yeux qui se font vitreux, du calme. Rien de plus, c'est que le monde de honte se dépouille de sa peau de saucisse pour leur tendre son jeune lichen criard à les faire pleurer. Le désert n'aime pas les épieurs. Le désert n'aime pas les épieurs. Libre à vous, demeurez intact de désir. À votre guise, amputez l'élan libre d'un nombre X de degrés. Votre haute main, tranchée ou ne pas tranchée dans le vif qu'écrase la camisole, mais qui va vous offrir cette dent du vide qui n'importe où sur terre a râlé dans un grain de poussière des ailes des montagnes. Respirez cette bouffée de fureur. De ceux qui redoutent de haïr, elle essuie la salive anxieuse. Point ne vient celle-ci d'un trop-plein d'amour. Là se love un boa truqué. Entre deux points de douleur, la poésie est la voie la plus courte. Courte tellement qu'à son coup solitaire tombe décapité le temps. L'azur de Stéphane Mallarmé. De l'éternel azur, la sereine ironie accable, belle indolemment comme les fleurs. Le poète impuissant qui maudit son génie à travers un désert stérile de douleur. Fuyant les yeux fermés, je le sens qui regarde avec l'intensité d'un remords atterrant mon âme vide. Où fuir? Et quelle nuit hagarde jeter lambeau jeté sur ce mépris navrant? Brouillard monté. Versez vos cendres monotones avec de longs haillons de brume dans les cieux que noiera le marais livide des automnes et bâtissez un grand plafond silencieux. Et toi, sors des étangs létéens et ramasse en t'en venant la vase et les pâles roseaux, cher ennui, pour boucher d'une main jamais lasse les grands trous bleus que font méchamment les oiseaux. Merci Jacques Bonnafé, vous consacrez cette semaine vos lectures à Vadim Kosovoï et Stéphane Mallarmé.